Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire de toi, de moi. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en être digne. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je pense.